lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. À la bonne franquette de Noël pour toi. C'est de toute beauté, vraiment. Là. Je leur ai demandé de noëliser un petit peu leur thème de 70%. Je pense que la mission est remplie. Un petit peu. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez nous jouer trois de vos chansons de votre dernier album qui est maintenant disponible. Non. Non, pas du tout, Tommy. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'album est disponible, mais on va faire que des chansons de Noël. De Noël! Que des chansons de Noël! Des chansons de Noël originales, les deux folles! Ah, ça, c'est cute. Bon, ben allez-y. Après ça, ça va être Bruno qui va venir nous parler de Noël. Alors, quoi de mieux de parler de Noël que de parler de l'apocalypse de Noël? Ouais! Et tombe la neige, tombe la neige, tombe la neige. Sur les petits oiseaux morts en cortège. Petit flocon, léger flocon, léger flocon, se dépose sur les hommes troncs. C'est le jour de Noël, les anges loups n'ont plus d'ailes, les gens sont hébétés, exorbités et démembrés. Mais diantre, qu'est-il arrivé? Et la crèche a explosé. Certains sont décorés et calcinés, désintégrés. Mais diantre, qu'est-il arrivé? Apocalypse de Noël. Yeah! Oh yeah! Ça va mieux avec un micro. Même hostie, c'est né en l'eau du cadre de main. nous autres pensent que le Père Noël, c'est un vieux hippie qui sent le fromage. Alors vous comprendrez qu'il est assez déconcerté devant la liste de cadeaux de Noël que les enfants lui envoient à chaque année. Ouais. Les enfants n'arrêtent pas de demander là, des iPads supersoniques là, téléguidés. Absolument. C'est vintage. Ouais. Fait que c'est de ça que parle la prochaine chanson. Puis c'est ça, en fait, vous avez l'air vraiment primé à chanter de Noël. Fait qu'à chaque fois qu'on va dire Noël dans la chanson, vous allez pouvoir crier de Noël. Exactement. Donc, quand on dit de Noël... De Noël... Exactement! Ça va être full dadon. Oh yeah! Je suis le Père Noël. Je reçois sur mes genoux des enfants qui ont pas de goût et qui m'horripilent avec leur liste de cadeaux débiles. Il y a un coquin qui m'a demandé de recevoir un monsieur patate à Noël. À Noël. Il y a un coquin qui m'a demandé de recevoir un monsieur patate à Noël. J'aime pas le plastique, fait que j'ai sculpté un identique dans une patate biologique. Y'a un sacré pas qui m'a demandé une figurine de Spider-Man à Noël. À Noël. Y'a un sacré pas qui m'a demandé une figurine de Spider-Man à Noël. À Noël. Je trouve ça ridicule, fait que j'ai acheté une vraie tarantule. Y'a un crapet qui m'a demandé un casque cybernétique téléguidé vintage cosmique à Noël. À Noël. Comme j'avais rien compris, j'irai ramener un panier de fruits, un tapis de bain pis du céleri. Qui m'a demandé un fusil en plastique à Noël. À Noël. Y'a un macaque qui m'a demandé un fusil en plastique à Noël. À Noël. Moi j'aime pas la violence, fait que je l'ai inscrit à des cours de danse. T'aurais dû le voir s'impatienter, y'avait déjà en train de giguer. Dans la nuit, le cri des enfants furibonds, croulant, vieux débris, vérole, punaise, raclure, cornichon, croûte, radin, patchouli, croulant, vieux débris de Noël, vérole, punaise, raclure, cornichon, croûte, radin, patchouli, patchouli. Patchouli, croulant, vieux débris, vérole, punaise, raclure, cornichon, croûte, radin, patchouli, fade out! Yeah! De Noël! Come on, deux déficientes et un balalaïka, c'est super! Elles seront de retour plus tard dans le spectacle. Je sais que c'est le temps des fêtes, mais ça veut pas dire qu'on peut pas rester informé. Alors, on s'en va tout de suite dans des affaires de Noël, dans la catégorie affaires importantes. J'aimerais souhaiter un joyeux Star Wars à tout le monde! Et oui, effectivement, un groupe de fans de Star Wars qui se soucie d'affaires importantes a récemment menacé de gâcher le nouveau film avec des spoilers sur les médias sociaux si Lucasfilm ne se rétractait pas de sa position par rapport à l'univers élargi de la saga. Les nerds en question demandent que tous les éléments de l'univers qui ont été publiés soient reconnus comme canon et soient transformés en film. La position officielle de Lucasfilm est que seulement les épisodes 1 à 6 de la série animée, ainsi que la série animée Clone Wars, pas celle qui est bonne, celle qui est en animation 3D, font partie du canon. J'en profite également pour lancer ma propre menace. Lucasfilm doit reconnaître que seulement les 35 premières minutes et les 40 dernières minutes de Star Wars, l'entièreté de Empire Strikes Back et les minutes 15 à 45 ainsi que le duel final de Luke et Vader dans Return of the Jedi composent le canon de Star Wars. Sinon, je vous gâche le nouveau Star Wars que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, mais que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer dedans. Voulez-vous savoir qui est-ce qui meurt dans le film? Je peux vous le dire, même si je ne l'ai pas vu encore. Attends. Non! Ça se peut pas! Pourquoi? Non! Recherche dans ton cœur, tu sais que c'est vrai. Sachez aussi que la position officielle de la police de Philadelphie est que le fait de gâcher Star Wars devrait être illégal, mais que ça ne l'est pas vraiment. Est-ce une nouvelle importante ou un coup de marketing? À vous de décider. Le tweet a été retweeté plus de 9000 fois. On passe à d'autres choses importantes parce qu'il n'y a pas juste Star Wars dans la vie, il y a aussi le hockey. Hein? Ah voilà, on pogne tout le spectre de la personnalité. L'Association pour l'usage et le soutien de la langue française affirme que la prononciation du nom Piqué Souben à la télévision francophone devrait être faite à la française, c'est-à-dire Pika et non Piqué. C'est un dossier chaud dont personne ne se calisse, qui arrive à l'intérieur de la saison. Ce qui est étrange parce que ce genre de vacuité pourrait être très utile hors saison pour remplir le cahier des sports. On vous tient au courant. On s'en va aux États-Unis selon un nouveau sondage de Public Policy Polling. 30% des électeurs républicains affirment être en faveur de bombarder la ville d'Agrabah, tandis que seulement 19% des démocrates le sont. Par contre, 57% des républicains affirment qu'ils ne sont pas certains qu'ils bombarderaient la ville sous le règne du sultan. Rappelons qu'Agrabah est une ville fictive dans le dessin animé Aladdin des studios Walt Disney. Pour les non-initiés, Walt Disney est la compagnie qui distribue Star Wars. Les résidents de la ville de Barnaul en Sibérie sont si désillusionnés par la corruption qu'ils considèrent maintenant élire un chat de 18 mois. 91% de la population se dit en faveur de cette élection. Je n'ai pas d'autres développements pour ce fait. Je voulais juste parler d'un chat qui va peut-être être élu en Sibérie. Un chat en Sibérie. C'est une nouvelle de Noël, parce que ça implique la neige, c'est Noël. Et finalement, pour ce qui est des gâcheux de Star Wars... Encore eux autres! On devrait tous les mettre en prison. Alors, je peux vous garantir tout de suite que le méchant a un lien de parenté avec un personnage qu'on aime. Puis, il y a un personnage qu'on aime qui va mourir. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on va revoir les Ewoks? On ne reverra pas les Ewoks. Pas vrai, parce que c'est ce qui vend le mieux les bébelles, ça. Inquiète-toi pas, on va trouver d'autres choses. On va trouver d'autres choses. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Sans plus attendre, on passe à notre prochain chroniqueur. De Noël. Salut les capotés de Noël! Hey, aujourd'hui, on se retourne dans le cadre de mes chroniques de disques, comme je fais depuis quelques mois déjà. On garde la thématique, mais aujourd'hui, c'est de Noël. Alors, on va se retourner à Noël 1993, alors qu'avait lieu le plus grand crossover de l'univers de la télévision québécoise. Et j'ai nommé le Noël magique du Canal Famille. Un album de Noël qui a été publié en 93, qui regroupait un total de 5 émissions en une. C'est jamais vu au Québec, ça n'est jamais arrivé. On retrouvait sur ce disque, entre autres, Bibi et Geneviève, Frippe et Pouille, Télé Pirate, un personnage de Sur la rue Tabaga, ainsi qu'un personnage d'une émission très... très underground, nommé Lilo de Lily. C'était un album de Noël très bien. Mais là, j'essaie de faire ça vite, là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Un excellent album de Noël qui reprenait tous les grands classiques du temps des fêtes avec de la bonne musique midi. Puis des voix de gens qui savent pas tout chanter, mettons. Je pense entre autres à Chris, à Bibi qui chante « Mon beau sapin ». Ou encore des trucs de même là, qui sont vraiment affreux, ou Pouille qui chante « Vive le vent ». Puis il y a aussi beaucoup de trucs parlés. Il y avait des petits blocs, excusez-moi. Il y avait des petits blocs parlés dans l'album. Alors, on va aller écouter quelques extraits des échanges les plus mauvais, en fait, qui ont juste pas de sens. Puis vous regarderez bien à la fin, ils sont tous bien étonnés de voir une tempête de neige, comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient ça. Des anges? Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais. Ce sont des personnages qui vivent dans le ciel. Des extraterrestres? Une belle nuit comme celle-là, ça devait pas être possible de dormir. Enfin, en tout cas, j'aurais pas dormi. De toute façon, les Visidiens dorment beaucoup moins que les Terriens. Et c'est pour ça qu'on veille la nuit de Noël. C'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça que vous mettez des lumières partout, dans les sapins et dans les décorations, pour dire que vous n'avez pas oublié? On peut dire ça, oui. Mais c'est aussi parce que Noël, c'est la fête de la lumière. Je pense que tout le monde doit commencer à être un petit peu fatigué. Mais ça tombe bien parce que j'avais justement proposé de faire une petite sieste. Et puis moi aussi, je dormirais bien un petit peu, tiens. Ben, on pourrait s'installer tous, là, sur des coussins. Christian! Oui? Tu dois en savoir une chanson, toi? Oui, j'en sais. Ouais, Christian, il en connaît une. Regardez dehors. Il neige à plein ciel. Oh. Et il y a le vent qui souffle. Oh, c'est beau. C'est une vraie tempête de neige. Une vraie tempête de neige. Comme si on avait des fausses, tu sais. C'est... On va aller écouter quelques extraits que j'ai choisis de cet album qui sont incroyables. On va noter, je voulais dire un peu à l'avance, parce que ça va vite. Je voulais faire ça vite à soir, fait que j'ai fait, on fait ça vite. Mon beau sapin, interprété par Bibi, Christian Bégin et Geneviève. Le diable est en bricole, interprété par Christian Bégin de Télépirate. Ça Berger, interprété par Christian... J'aime beaucoup Christian Bégin. Christian Bégin, Virevent de la rue Tabaga et Pouille de Frippe et Pouille. Vive le vent par Frippe, Pouille et Bibi. Ah, ça, c'est les trois personnes qui chantent le moins bien sur l'album, pour vous donner une idée. Et Le petit reine au nez rouge, chanté par Bibi et Pouille. Puis j'ai pas mis de trucs d'Élise Marquis puis de Lily, parce qu'elle, il chantait bien. Puis je voyais pas l'importance de vous montrer ça aujourd'hui. Fait qu'on va aller écouter Bibi qui se laisse aller la voix. On va écouter ça. Au sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand un hiver, bois et guérets sont dépouillés. Ce duvet, il y a de la poussière, la plus belle des poussières. La poussière sur le duvet sur la plume sur le chapeau. Ah ouais, le chapeau sur le garçon, côté de la fille dans le jaune dans l'œuf dans le nid sur la branche dans l'arbre dans la rue dans la ville est à Paris, Paris au diable. Savez-vous, diable est en bricole, savez-vous ce qu'il y a? Sa berger, attendons-nous, allons voir le Messie, cherchons ciel et cloche de la nuit. Oh, vive le vent, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année. Geneviève a fait bien ça, papa. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme un ange ni rouge, tu conduiras dans le ciel. C'est ça. J'aurais pu en mettre plus, avoir su que ça lui faisait autant plaisir à mon ami Chinook ici présent. On applaudit Chinook, s'il vous plaît. En résumé, le Noël magique du Canal Famille. Je l'avais pas en physique, sinon je l'aurais amené, je vous l'aurais montré. J'avais juste le téléchargement, malheureusement. Mais non, c'est ça, en général, de la musique midi, des gens qui savent pas chanter, des gens qui savent chanter. Un crossover incroyable. Moi, je donne moins 8 à ça. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé la performance de Bibi. Ça faisait penser à Jérémy Gabriel, ouais. Vraiment. C'est cousin de bois, comme on dit. Revenez-moi l'année prochaine à la même date, alors que je critiquerai un voyage au cœur de Noël avec l'équipe du Canal Famille. Ça, c'était le tome 2 avec les Zigotos. Avec Anne la banane, puis la gang de Anne la banane, puis la princesse astronaute, c'était écœurant. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Simon Portalance de Noël. Oh, wow. Nous, robots de l'Alliance de surveillance des planètes en voie d'éveil en orbite terrestre. Nous écoutons tous Radio H2O. Ça, c'était Magie de Noël. Puis le Père Noël vient d'arriver, fait que si vous avez des shooters à payer, donnez-moi-les parce que lui, il ne boit pas. Merci. De Noël, on aime ça. Bonsoir tout le monde! Merci. Vous allez bien? Oui? Vous allez sûrement mieux que moi. Merci Père Noël d'être à côté de moi, j'ai besoin de toi. Faut que je protège mon esprit de Noël, c'est pour ça que je me suis habillé. Peux-tu me tenir ça deux secondes, Père Noël? Je veux que j'arrange de quoi, c'est mon costume. Watch out! Et voilà, hein? Donc, je me suis habillé comme ça parce que c'est Noël, de Noël, bien sûr. Et aussi parce que je dois protéger mon esprit de Noël, parce que oui, le Grinch existe. Je le sais. Il travaille pour Konami, je vous le dis. Oh, je vous le dis, hein, Konami, tous les gamers ici, ça, c'est qui Konami, hein? Nous ont envoyé des bons succès. Hein? Ah, parlez pas tout en même temps, j'entends trop bien. C'est pas grave. Bon, Konami, hein, on les connaît pour des grands succès dans le style Frogger, Gradius, Turtle in Time, Contra, Silent Hill, Blade of Steel, Castlevania. On en passe. Hein, ils ont passé bien des années à moi, personnellement, de me mettre en confiance envers leur jeu. Oui, Konami, écoute, ça va être bon, tout ça. Jusqu'en 2000. En 2000, ça est arrivé. Le Grinch. OK? On le voit bien, on prend en photo, ça va à peine. Hein? Le Grinch. Je me suis dit, je vais reviewer un jeu de Noël, hein, parce que je me suis donné comme mandat ici, chez Douteux, de reviewer des jeux un peu douteux. Mais je me suis dit, c'est Noël, pourquoi pas, hein, me faire un petit plaisir, reviewer un jeu de Noël. Tabarnak. Hein? Bon, en 2000, hein? Ils ont décidé de sortir le Grinch. Donc, bon, ça suit le film avec Jim Carrey, hein, tout le monde connaît le film. En fait, ça suit le film. Ça essaye de le suivre, qu'on pourrait dire. Mais c'est un désastre. On regarde la pochette, elle est belle. Belle pochette, hein? En tant qu'enfant, on se dit, ben oui, hey, ça va être le fun! On va sentir du sapin. Oh, j'en vois du fun! Je suis tellement excité, hostie, que... Ouais, mais attention à ta bière, parce que je peux la renverser. Pendant un an, j'ai remplacé le charbon des bottes de Noël, parce que cette affaire-là, ça a été super écœurant. Ben ouais, on va laisser ça de même parce que sérieusement, du charbon, je pense que je serais content de recevoir ça à la place de ça. Hein? Bon, si on regarde la pochette, c'est beau, hein? On s'entend que c'est beau, c'est attirant. Je vous jure, c'est la dernière chose que vous allez trouver belle dans le jeu. C'est fini. La pochette, c'est tout, c'est dégueulasse. Hein? Les graphiques sont lettres. Écoute, juste les textures sont presque inexistantes finalement, hein? Mais quand il y a des textures, c'est d'un brun, là, magnifique, là. Ça va vous ramener en arrière dans votre phase anale quand vous jouez à caca sur les murs, là. C'est magique, c'est beau, hein? Le Grinch est carrément triangle avec une face plate, on n'y croit pas, hein? Puis, ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, hein, c'est que c'est lettre. Mais moi, j'ai testé la version Dreamcast. Parce que le jeu est sorti sur Dreamcast, PS1 et PC. Moi, j'ai testé la version Dreamcast. Puis, non, mais c'est lettre, là. Tu sais, puis je me suis dit, bagane, c'est lettre, c'est pas grave, ça lagera pas. C'est saccadé, ça n'a pas de sens. Tu t'en vas, tu marches, tu peux voir les frames un après l'autre. Si tu vas tranquillement, c'est pas des jokes, c'est dégueulasse. Écoute, c'est un peu bizarre aussi, hein? Le Grinch court. Ben, je vais vous dire, moi j'ai remarqué, le Grinch court comme notre danseur radiophonique danse. Pour de vrai, hein? Comme Chinook danse. Chinook est là. Je vais demander à Chinook de venir ici. Parce que j'ai pas pu, à votre grand plaisir, je vous le dis, j'ai pas pu prendre de vidéo, hein, de ça, puis on peut pas pour l'instant. Mais j'ai décidé de vous recréer un peu le Grinch avec Chinook. Fait que je vais demander à quelqu'un de prendre une manette. Vas-y, toi avance, toi cours sur place en dansant. Et voilà. Voilà le Grinch, version 2000 jeu vidéo. Ouais! Merveilleux. Allez, on applaudit Chinook. Oh, c'est parfait, c'est parfait. T'aurais pas le goût de jouer plus que ça, anyway, c'est le vrai jeu, je te dis. Ah non, non, j'aime les manettes de Dreamcast. Tu ne deviendras pas mieux que la Dreamcast ou Christ. Mais chacun ses goûts, hein? Bon, en fait, le problème là-dedans, c'est que Konami a eu la merveilleuse idée de faire une version pour toutes les consoles, hein? On va prendre les mêmes graphiques qu'on va mettre sur toutes les consoles. Ça veut dire que si le Atari aurait encore existé, on aurait eu une version qui fitterait sur toutes, même sur Atari. C'est merveilleux. Hein? Pourquoi pas? Les autres se sont dit, on va faire un jeu tellement à chier, asti, que tout le monde va pouvoir jouer. Hein? On va scraper le Noël de tout le monde ici, asti. On va, hein? C'est ça, on va mettre la haine partout. C'est pour ça que j'ai décidé de m'habiller comme ça. J'ai peur. Je te le dis. C'est vrai. Hein? Puis tout ce qu'il y a dans le jeu, en fait, pas, tu sais, je me suis dit, OK, les graphiques, c'est pas grave, tu sais, puis si seulement ça serait juste les graphiques, hein? Moi, je me suis dit, un jeu pour enfants, ça va être... Oui, t'as une question? Oui? Y a-tu de la bonne musique, au moins? J'y en arrivais, justement, avec la musique... La musique, oui, Gann, justement, la musique... Non, je dirais la toune. Ouais, pas la musique, la toune. C'est pas bon, non? C'est pas bon. Après 10 minutes, tu t'écœures. Puis moi, sérieusement, je me suis dit, OK, un jeu pour enfants, ça va être la fun. Mon review ça, 45 minutes, m'en faire le tour. Tabarnak! Non! Non, non, j'ai passé au moins 8, 9, 10 heures là-dessus à gosser, hostie, hein, dans des décors de polygones couleur vomi. C'est dégueulasse. Écoute, j'ai passé le pire temps de ma vie, pour de vrai. Hein? C'était dégueulasse. Je sais même plus où je suis rendu dans mes feuilles. Je suis tellement mêlé. Je suis tellement en tabarnak. Écoute, on a une toune et c'est la même tout le long. Hein? Fait que c'est déjà, après 8 heures, on s'écœure. Donc, pour finir ma chronique, on me dit que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai emmené le Père Noël avec moi, le vrai Père Noël. Puis en geste symbolique, je vais te demander de détruire le jeu, s'il te plaît. Merci, Père Noël. Pour la première fois depuis que j'ai 17 ans, j'ai pas de belle famille. Puis là, évidemment, comme c'est la première fois, je me dis, c'est vraiment triste, puis je me dis, indubitablement, ça doit être de ma faute. Là, c'est juste de ma faute. Alors, je me suis dit que ça doit être parce que je suis pas assez féminine. Et oui, mais vraiment. Alors, la robe, ça l'aide. Et... je me suis recherché aussi un peu des indications, des rôles modèles. Et quoi de mieux au Québec que les magazines pour femmes? Ouais! Alors? Je te trouve un peu difficile. Alors, pour vous, pour Noël, j'ai fait le tour de toutes les conseils qu'on nous donne, mode, bienséance, maquillage, et c'est ce que je vais vous livrer aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de clin d'œil nous dit, c'est Noël, on a le droit de faire la sourde oreille devant les alertes météo et à s'entêter à porter notre petite robe noire et nos talons aiguilles. La pneumonie attendra. Puis moi, j'aime vraiment ça dans la vie, qu'on fait de la désinformation sur la... sur la pneumonie, comment les maladies respiratoires se transmettent. Mais je ne vous en faites pas, j'ai écrit à clin d'œil, je leur ai dit... Non, clin d'œil, ne t'en fais pas, la pneumonie va t'attendre à côté de la porte avec une brique puis un fanal. Ça t'attendra de t'habiller comme une petite guidoune. Puis, évidemment, toutes les autres suggestions de ce qu'on a le droit de se permettre, ben c'est d'être une bitch et de mentir, mais je me dis que si tu te le permets à Noël, tu te le permets aussi toute l'année. aussi, j'ai eu 14 idées pour une table de Noël minimaliste. Alors moi, je me suis dit... Oui, alors on avait vraiment une belle inspiration de l'Éthiopie. J'ai décidé de servir à mes invités pour Noël des petits pois découpés en quatre. Si jamais c'est trop, ben vous irez vous faire vomir aux toilettes. D'ailleurs, pour les potlucks, c'est important, les règles de savoir-vivre. Et ma préférée, c'était respecter l'heure, mais plus 10 minutes de politesse, le temps que l'hôtesse nettoie son comptoir, va rattacher son tablier ou se refait une beauté. Oui, mais écoute, j'ai quand même appelé, ça c'était dans Coup de pouce, j'ai appelé Coup de pouce, et ne vous en faites pas, cet article a bien été écrit en 2015 et ce n'était pas une erreur de 1963. Puis un autre conseil aussi que j'avais bien aimé, c'est que si quelqu'un est seul, comme qui arrive seul puis qui connaît personne, tu fais des présentations personnalisées. Puis je me suis rendu compte que dans ma vie, je peux pas vraiment faire ça parce que j'ai des amis qui ont des maladies mentales, qui ont des mauvaises habitudes de vie, puis, ou qui font vraiment... ou qui font eux-mêmes des belles présentations sur eux-mêmes, comme un ami qui est arrivé en retard dans une pratique de musique, puis qu'on avait notre nouveau claviériste, c'est comme « Hey, je m'excuse, non, j'ai comme passé une heure à être caché dans un bunker parce que je m'étais pognée avec la police. » Je pense que pour 2016, je vais me trouver des meilleurs amis. Côté mode, j'ai vraiment été super charmée par plusieurs robes, parce que évidemment, j'aime les robes, je suis une fille. Des robes variées, ça passait de la robe qu'on appelle chauve-souris avec un faux velours rose puis une espèce de fini poussière radioactive, ou encore des motifs kitsch aux couleurs qui me rappellent l'image que j'ai quand je pense à Pistache et une chatte qui vomit sur le tapis du salon. Puis moi, je suis un petit peu cassée pour Noël, alors j'ai pas vraiment comme 380 $ à dépenser sur une robe Zara. Alors, mais heureusement pour moi, ma tante qui a l'Alzheimer est partie en foyer l'année passée, puis elle m'a donné ses vieilles nappes. Je pense que je vais être capable de me concocter quelque chose qui va être vraiment pas pire. Et côté, évidemment, maquillage, cheveux, j'ai été impressionnée par tout ce que tu peux faire avec des bas pépines. Et aussi, les 9 rouges à lèvres, que je voyais vraiment pas la différence entre les différents types de rouges, jusqu'à temps que je me rende compte que les différences, ben c'était les tubes. Mais vous savez... Mais vous savez, moi, dans le fond, j'ai jamais appris à mettre de rouge à lèvres. Je suis vraiment pas bonne. Ça finit tout le temps comme un peu partout dans ma face. Puis là, je me suis dit, il me faut une résolution pour 2016. Alors, 2016, non, je n'apprendrai pas à m'aimer. Non, je ne passerai pas plus de temps avec mes neveux pour être sûre qu'ils ne deviennent pas des douches. Non, en 2016, je vais apprendre à me mettre du rouge à lèvres. Et plus précisément, je vais apprendre à maîtriser la technique pour que mes lèvres soient plus pulpeuses. Ainsi, à chaque fois que je vais être dans une pièce, tous les hommes vont pouvoir se demander « c'est lequel de mes chums qui vient de sucer? » Et voilà! Besoin d'un lubrifiant 100% naturel? Je vous propose la radio H2O. Pour une expérience plus qu'humide, je me sens déjà toute mouillée. Là-dessus, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs! OK. Ah, il est plus brisé. Non, il maïsse quand je fais ça, ben j'haïs autant le sapin qui maïsse quand je le calisse à terre. Êtes-vous en forme? En forme de quoi? Ma gang de calisse. On va se mettre ici. C'est ça. J'étais un peu lendemain de brosse. Gars, j'ai rien écrit ça. J'ai pas écrit de chronique, mais c'est ironique de te dire ça parce qu'en ce moment, j'ai une feuille dans les mains et puis il y a des mots décrits dessus, puis je suis en ce moment même en train de les lire. Hashtag moment présent. C'est important. YOLO. Ça, YOLO. Fait que mon fils, il me dit, papa, hein? Papa, les fêtes, c'est pour être en famille puis apprécier les moments de partage. Et moi, le recroquevillé dans mon coin, en train de protéger mon précieux, je suis comme, quoi? T'es en train de dire que Noël s'est fait partager, dire merci? Hey, laisse-moi te dire que cet enfant-là est allé dans sa chambre en tabarnak, hein? Non, mais tu l'as-tu vu, Noël? Là, je te parle pas de la tradition là, de comment c'était que c'était beau avant dans le temps Noël. T'as-tu vu Noël dernièrement? Hein? Avec ses Black Friday of the Dead, là? Puis ses coupons au rabais. Et puis quand je dis dernièrement aussi, là, je veux pas dire hier, là. Ou ce que toi, tu te dis, ben voyons, Boudreau, me semble que hier, Noël, il était pas si pire que ça. Va chier, Calis. Va chier! De Noël! Bon, je le sais, habituellement, je fais des blagues. Donc, j'en ai préparé une. Une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. Mais chez eux, il était bien pauvre. Puis sa mère est partie, puis sa petite sœur est tombée malade. Fait que finalement, il est jamais devenu policier. Non, mais je vais te le dire, moi, ça me déprime au bout de Noël. J'ai le goût de tirer du shotgun dans les centres d'achat et d'arracher les têtes des petits chats dans les animaleries. Et... Non, mais et ça, c'est clair que quand je fais ça, ma famille se rend compte qu'il y a un problème. Hein? Parce que moi, quand j'étais jeune, à Noël, on était pauvres en tabarnak. Mon père, le 24 décembre, il nous réunissait tous dans le salon. On était attachés serré. Puis il nous racontait une histoire. Tout le temps la même! L'histoire de la craie de Noël. René, elle la connaît, celle-là. Alors, il y a traître longtemps, un soir du 24 décembre, grand-papa avait demandé à mon père d'aller vendre des allumettes au centre-ville pour pouvoir s'acheter une bouteille de phare. Parce que, comme il disait, Noël ou pas, m'en bois à tabarnak! Fait que mon père se rend au centre-ville puis il s'installe pour vendre ses allumettes. Mais ça marchait pas. Personne voulait y en acheter. Et la phrase qui revenait le plus souvent, c'est « Hey, le jeune, c'est Noël, tu devrais nous faire un deal. » Mais la règle était claire. Il faut pas que je vende en dessous d'une scène la limette, sinon le bonhomme va me tuer. On le savait à quoi s'en tenir dans la famille. Et au bout d'une couple d'heures, il commençait à avoir fret, tu sais. Et parce qu'il faut dire que dans ce temps-là, l'hiver, c'était pas encore trop maîtrisé, tu sais. Les plaintes électriques, on appelait ça des poêles à bois. Puis le bois, ben c'était les riches qui avaient ça. Les pauvres, ils n'avaient pas les moyens. T'sais. Ils pouvaient juste se chauffer avec de la marde. Mais quand t'es pauvre, tu manges pas, ben, fait que la marde, il n'y en a pas beaucoup. Écoute, il faisait fret. Bon. Il y avait fret. Fait qu'il a décidé de se craquer une allumette. Et puis là, comme par enchantement, il a vu. Juste à côté de lui, il y avait un enfant avec des beaux petits souliers. Un beau petit manteau bleu puis un bonnet tout blanc. Un petit foulard rouge puis des mitaines. Tout ce que mon père voulait. Hein, soit la chaleur, le capitalisme, tout ça. Et le jeune, il avait à peu près la même âge que mon père, 7-8 ans. Et le petit garçon, en voyant mon père, il a demandé à sa mère, il a dit, « Maman, pourquoi le petit garçon, il est habillé en guenille puis qui pue? » Et là, sa mère, hein, qui avait même pas encore remarqué mon père tellement elle était occupée à regarder les vitrines du magasin juste à côté de lui, elle s'est exclamée, « Mon Dieu, William! Éloigne-toi de ce gueux maintenant! Tu pourrais pogner sa maladie puis devenir pauvre, allez! Viens, on va aller dans la boutique. Maman va t'acheter des souliers Gucci ou peut-être une grosse crise de Rolex. » Et là, le petit garçon, il répond à sa mère, il dit, « Non, maman, non, ce n'est pas juste. » Ce petit garçon n'a rien et moi, j'ai tout ce que je veux. C'est Noël. Et l'esprit des fêtes me dit que je dois faire quelque chose. Et là, il a fouillé dans sa poche. Et il y avait une craie. Bleu. Bleu pâle. Bleu poudre. Bleu fif, disons-le. Bleu schtroumpf malade. Comme ma veste. Et il l'a donné à mon père. Et mon père, bon, il savait comme pas trop quoi faire avec ça. C'était quand même la première fois que quelqu'un lui donnait quelque chose. Il a essayé d'y redonner. Il savait plus. Il s'est couché en boule. Finalement, il a comme compris le principe, puis il l'a pris, tu sais. Ah, mais tu le sais pas quand t'as jamais vécu la chose. Alors là, le petit garçon, ben, il a souri à mon père, hein, qui était par terre, dans ses lambeaux. Et il a dit, « Non, garde-la. Tu vas pouvoir dessiner tout ce que tu veux pour Noël. » Et c'est là que la magie de Noël a opéré. Magie de Noël! Magie de Noël! Magie de Noël! Magie de Noël! Écoute, écoute, la mère dans tous ses états de voir son fils avec autant de générosité, a sorti son magnum et rentré dans le magasin, a shooté tout le monde parce qu'il calissait une balle dans la tête. La magie de Noël! Voilà, il y avait de la métaphrase partout ses murs. Calinette, tout ça. Et ce Noël-là, mon père est revenu dans sa famille en héros. Il avait ramené une bouteille de fort au bonhomme, 20 piastres, puis un nouveau petit frère. J'ai pas compris, mais ça avait l'air pas pire ce que tu disais. Donc, il a ramené une bouteille de fort à son paternel, 20 piastres, et un nouveau petit frère. William, qu'ils ont rebaptisé Steve, hein, parce que comme mon grand-père disait, Steve, c'est moins compliqué. C'est un homme avec des principes, tu sais. Et il a ramené la craie. Une craie bleue. Bleu pâle. Une craie bleue poudre. Bleu schtroumpf malade. Bleu comme ma veste. Qu'est-ce que c'est juste moi, j'ai dit ça tantôt. OK, j'ai dit ça. Ce Noël-là, papa, il a pris sa petite craie, puis sur le mur, il a dessiné un sapin, puis plein de cadeaux en dessous. Puis sur le plancher de la cuisine, il a dessiné une table. Puis sur la table, il a dessiné une dinde, des atacas, de la sauce, des pâtés, en masse. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'avec cette craie-là, il ne serait plus jamais pauvre. Parce que ce petit bout de couleur-là, il avait donné accès à la seule chose qui nous reste de gratuit. L'imaginaire. Non, non, je sais que tu te dis, non, il n'y a pas juste ça de gratuit. Les insultes sur Facebook aussi, c'est gratuit. C'est en train de mourir, ça. En terminant, mon fils, il me dit, « Papa, papa, sais-tu ça des souvenirs impérissables? » J'ai dit, « Oui, dans ta chambre, va réfléchir à la magie de Noël! » Vous écoutez Radio H2O, c'est quoi Radio H2O? C'est un astuce de flot d'informations, ça coule, ça part, t'en veux-tu de l'info en blanc? Deux fois aller un banjo, tout le monde! De Noël! Yeah! Hey, c'est bacon de Noël en l'estie, hein? C'est combien d'années tu peux le garder, tu penses, sans réussir à l'ouvrir? Tu vas-tu être capable de te contenir, Tommy? Moi, qu'avec un beau cadeau de même, je m'en tartinerais partout. Ah! Hey, René! Ouais? C'est Noël! J'ai le goût de faire une joke de Noël! Oh, yeah! Yeah! Hey, sais-tu pourquoi est-ce qu'on n'engage jamais des sapins comme couturier? Ben, en fait, plutôt des mélèzes. Parce qu'ils perdent leurs aiguilles! Yeah! Wow! C'était bon! 3, 4... À l'air louche, la tirelire, lire, lire. À l'air louche, la tirelire, louche. À l'air louche, la tirelire, lire. La tirelire, lire, lire, louche. Je la fais tienne, la tirelire, lire. Je la fais tienne, la tirelire, louche. Je la fais tienne, la tirelire, lire. La tirelire, lire, louche. Je n'en veux pas de ta tirelire, lire. Je n'en veux pas de ta tirelire, louche. Je n'en veux pas de ta tirelire, lire. La tirelire, lire, lire, louche. louche. Tu fais de la peine à ma tirelire-lire. Tu fais de la peine à ma tirelire-louche. Tu fais de la peine à ma tirelire-lire. Ma tirelire-lire-lire-louche. J'ai rendu sa liberté par la fenêtre, je l'ai garrochée. Elle atterrit sur un voilier. Le monde est à sa portée. Elle a vu l'Irlande, la tirelire-lire. Elle a vu l'Irlande, la tirelire-louche. Elle a vu l'Irlande, la tirelire-lire. La tirelire-lire-lire-louche. Et l'Alaska, la tirelire-lire. Et l'Alaska, la tirelire-louche. Et l'Alaska, la tirelire-lire. La tirelire-lire-lire-louche. Échange de cadeaux en échange de cadeaux. Elle a vu les cieux les plus beaux. Invariablement, elle était rejetée. De retour à sa liberté. Et la revoilà, la tirelire-lire. Et la revoilà, la tirelire-louche. Et la revoilà, la tirelire-lire. La tirelire-lire-lire-louche. La tirelire-lire-lire-louche. La tirelire-lire-lire-louche. Yeah! De Noël! De Noël, tout le monde. Alors là, je pense qu'on a un message spécial qui va s'adresser à chacun de nous. Oui, en ce moment. Mais en fait, parlant de Noël, on a un message de Noël de Simon Cussonnet. Yeah! Mon cher Tommy, je t'écris cette lettre radiophonique de l'autre côté de l'Atlantique. Car, comme tu le sais, j'ai dû partir dans le plus grand secret vers La Ferté-sous-Jouarre, ma terre natale, capitale déchue de la pierre meulière et de l'éthylisme incontrôlé. Tu n'es pas sans savoir que la victoire des méchants lutins du Front National au premier tour des régionales françaises en ce début de mois de décembre a fendu mon cœur en mille morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a, Chris? C'est de la France, tes stylos, il vit Bulot ! S'écriera un Québécois dans le fond de la salle de cette soirée de Noël, de Noël. Eh bien, mon cher Québécois grossier et puant, je dois aller aider mes frères et sœurs afin de faire en sorte que leur Noël ne soit pas de couleur bleu marine, mais bien marron foie gras, rouge côte du Rhône et blanc fromage à raclette. À mon arrivée à l'aéroport, j'ai été surpris de voir un drôle de drapeau flotter un peu partout dans mon hall d'arrivée. Rouge, avec une croix étrange en son milieu, cet étendard ornait non seulement les murs de l'aérogare, mais aussi les brassards des agents de l'immigration. « Pas pire, vite !» me scanda un agent au visage difforme. Ayant quelques notions d'allemand d'avant-guerre, je lui donnai mes papiers, et ainsi passais-je en toute légalité dans ce pays qui est le mien, où tout le monde chiale sur tout et rien, sur ta sœur comme sur le prix du pain, comme tout un chacun, mon cousin. Mon contact sur place, un certain José, salut, me fit monter dans son véhicule de fortune et nous prîmes la route vers la base secrète des lutins de la résistance fertoise. C'est ainsi que je me suis retrouvé, avec mon bat et mon couteau, dans le maquis fertois, avec la ferme conviction d'enrayer la menace fasciste et de faire passer un Noël libre à tous mes frères et sœurs lutins du canton fertois. La lutte fut longue. Les lutins fascistes ne manquant pas de moyens pour assurer une propagande immonde et s'assurer le soutien de la population des lutins du coin, corrompus par la haine envers les lutins barbus. Après plusieurs nuits de combats intenses, nous avons réussi à pénétrer la Kommandantur, telle une vierge un jour de libération. Les maléfiques lutins étaient déjà en train de modifier les panneaux de la voirie, indiquant le nom de la ville en allemand « Das Ferté unter Jouarren ». La vue de ces signalétiques modifiées me fit monter la moutarde de mots au nez. Ainsi défonçais-je la porte pour tomber face au colonel en garnison dans la Kommandantur. Bedonnant et affublé d'une barbe mal taillée, il ressemblait à s'y méprendre à un Père Noël maléfique, aux antipodes de notre bienveillant Père Noël Coca-Cola bien-aimé. Cerné, désarmé et désormais cul nu, au sens figuré comme au sens littéral, il lança son dernier rôlant de haine, comme lorsque l'on rote la bûche une fois le repas de Noël terminé. « Les lutins barbus vont nous envahir, vous verrez, au Noël prochain, dans un fort en sous le sapin des boîtes de semoule saupiquées, du sable dans l'arrêt et des corans en bande dessinée, et pourquoi pas des babouches, vous verrez, vous verrez !» Ayant grande hâte que le conflit et que sa diatribe se termine, je l'égorgeais comme une dinde dodue. Et dans un cri de porcelet slovaque, il se noya dans son sang. Noël était sauvé. La nouvelle qu'un avant-poste du Front National était tombé fit le tour de la France via la radio du général, et ainsi, le 13 décembre 2015, Date historique, les lutins de France décidèrent que leur région ne serait pas régie par des Pères Noël fascistes. Bien qu'ils aient voté pour les lutins de droite en costume Givenchy, avec du caviar sous les bras, l'heure était cependant à la fête. Les lutins bridés de l'Est remirent en marche leurs machines pour fabriquer des joujoux à gogo pour les livrer à temps pour Noël. La populace de lutins, avide de cossins, se prépare en ce moment même à un grand banquet dans toute la France. Quant à moi, je respire ce parfum de liberté dont Toto raffole tant. D'ailleurs, ce dernier me manque, ainsi que vous tous. Il me tarde de regagner le Québec, cette terre incomprise dont les Français aiment tant se moquer, à défaut de comprendre les valeurs que cette belle province véhicule de par le monde. Quand enivrerai-je mes sinus avec le doux parfum du Flushgate? Quand revivrai-je la promiscuité dans les toilettes québécoises? Quand recroiserai-je le regard exquis des serveuses du brouhaha? Mais surtout, quand douterai-je à nouveau avec vous, cher douteux.org? Guère je ne le sais, mais l'heure n'est plus aux doutes ni aux questions. Elle est au tintillement des noix et au scintillement des boules. Je vous souhaite bonne ripaille entre les vôtres, mes chers petits lutins du gras. Et je vous souhaite, par-delà l'Atlantique, un joyeux Noël. Hey, ça, sérieux, ça sort pas d'ici, ça, pour vrai. C'est plate que ce soit filmé, hein? Ça s'en vient. Assalamu alaikum, Québec, wa rahmatullah! Je viens de vous faire Assalamu alaikum niveau 2. Comment est-ce que vous... C'est mon cadeau de Noël à vous parce que je fais pas de chronique de Noël. Le musulman, il fait pas de chronique de Noël, ça t'aide pas. À la place, je vais vous annoncer quelque chose. J'ai fait un teaser sur ma page Facebook, ceux qui me suivent, l'imam des valeurs québécoises. Il y a une image de cover que j'ai mis. Je pense, c'est mes plans. C'est mes plans pour l'avenir. De remplacer la croix du Mont-Royal par un croissant de lune avec une étoile. La raison que je fais ça, c'est pour instaurer un nouveau califat à Montréal, dont le titre sera Dimashq ul Oshiaga. T'as compris quelque chose? Ah, c'est le fun, hein? Ah, chez Aga, là, t'es l'événement, là, pis tout. C'est une tonne de ta gueule. t'es où, elle? OK, ouais, en passant, j'habite dans une grotte, puis je peux te dire que je la connais, la guignolée de la plèbe. Fait que, ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça quand on est meilleur que le reste. Fait que les règles du califat, parce qu'on va pas faire ça comme les hosties de losers de Daesh, là, ils savent pas comment faire ça. Là. Yeah. C'est pas qu'ils sont... Non, c'est parce qu'ils comprennent pas que leur méthode, ça marche pas à long terme. Tu sais, c'est cool à court terme, créer de la peur, mais moi, ce que je veux faire, c'est créer de la confusion. Fait que je vais commencer par vous déclarer comme quoi que oui, il va y avoir de l'alcool, mais on démantèle la SAQ. Fait qu'il va avoir l'alcool partout, pour moins cher, ça va être le fun. Saoulez-vous la gueule, ça va nous permettre de plus prendre le contrôle facilement. Dans le califat, il y aura des taxes très faibles, mais avec des conditions. Donc, les musulmans payent 2% de taxes, mais ils font le service militaire. Les autres, c'est 4,75%. La raison que je dis 4,75, parce que c'est pas un chiffre tout à fait rond, puis ça devrait faire chier une couple de personnes. Puis je pense que c'est une bonne façon de convertir une couple de personnes, puis de se faire pousser la barbe. Hein? En fait, si tu te fais pousser la barbe, on enlève 0,75 automatique. Fait qu'il faut des preuves de barbe à chaque séance d'impôt. Aucunement! une barbe par famille et c'est pas sexiste. On va ouvrir l'accès à l'éducation parce que ça coûte trop cher puis ça forme trop d'ignorants de comment que c'est présentement. Fait qu'on va essayer de vous donner une bonne nouvelle. Il n'y a pas de clause là-dessus. Il n'y a pas de joke là. Je vous entends. Je vous entends penser parce que je suis télépathe. Puis oui, il va y avoir des lapidations, il va y avoir des décapitations, mais généralement parlant, si vous êtes raciste, homophobe ou si vous faites toute une attaque au monde intellectuel, me semble c'est raisonnable. C'était un cave. C'était cave, on peut te fouetter à mort. Ouais. Exact, t'es littéralement. On bat l'ignorance, pas en battant les ignorants jusqu'au sang. C'est pour vous, là. C'est mon cadeau, là. C'est mon cadeau pour vous. Évidemment, l'idolâtrie va être punie. Mais par idolâtrie, je veux dire le monde qui font des altars aux Canadiens de Montréal. Le monde qui achète des albums d'Éric Lapointe. Ouais, hein? Et le monde qui pense que Patrick Sénécal écrit bien. Ceux qui vivent aussi la culture des aérofreins, je parle autant ceux qui habitent Laval que ceux qui aiment bien trop Star Wars, là, punis aussi au fouet, décapitation. Fait que ça me dérange. Essentiellement, c'est comme Star Wars vient de sortir, c'est correct de ne pas vouloir trop divulguer des trucs, mais si ça fait 30 ans, là, on en revient, Chris! OK? On sait que Luke Skywalker, c'est le fils de Darth Vader! J'ai rien gâché! Excusez, ça vient me chercher un peu. La dernière affaire que je fais pour le califat, ça va peut-être être le temps de l'annoncer. Noël sera aboli! Attendez, une nouvelle n'attend pas l'autre. Il va être remplacé par De Noël. Fait qu'il n'y aura plus d'album de Noël. Il n'y aura plus de musique de marde à partir du 1er novembre à minuit 3 secondes. Là. Non, ça va juste être la célébration de la fête de Justin Trudeau. Et ça va être officié par, évidemment, le grand Tommy Golette! C'est mon cadeau de Noël pour vous, le califat à Ushuaïa. Voyons, je me suis trompé. À Dimashq al-Ushuaïa, d'ici à un moment donné, là. Entre-temps, assalamu alaikum Québec, à la prochaine! Bonsoir! Ça va? Bonsoir! Bon, ben, j'ai une chronique cinéma pour vous. Alors, c'est la fête et ce soir, comme nous faisons les dernières préparations pour l'Halloween d'hiver, communément appelé Noël, il est de bon ton de vous rappeler que si vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux, il vous reste 2 à 3 jours de grâce pour les acheter. Mais stressez pas, si vous n'avez pas fait ça, le Père Noël s'en charge, puis tout le monde sait ça. Sauf si vous croyez pas au miracle de Noël, puis ça, je peux pas vous aider avec ça. D'ailleurs, un peu de précaution avant Noël, mettez pas de matelas dans le feu de la cheminée pour amortir la chute du Père Noël. Il peut rester coincé dans la cheminée, puis ceux qui ont vu le film Gremlin savent que c'est pas le fun. Gremlin! Mettez pas d'alcool dans le lait du Père Noël. Il y a une méchante soirée à faire, puis conduire un traîneau sous, c'est pas facile. Pas que je le sais, mais ouais, OK. Puis vous pouvez remplacer les biscuits par des alternatives santé, hein, comme des brownies ou des truffes au chocolat. Faites-y un lunch de sucre aussi, c'est toujours le fun. Essayez pas non plus de voir le Père Noël arriver, sinon il peut se transformer en psychopathe. Vous êtes coincé dans une situation d'invasion à domicile, puis ça, c'est pas le fun de Noël. Et voici la transition de Noël! Et voici la transition parfaite pour vous parler du film que j'ai vu pour vous, c'est-à-dire 3615 Code Père Noël, un film... Oui! Ah, il y en a qui le connaissent. C'est un film de 1989 fait en France. Eh oui. Ça part mal, mais ça finit bien. Alors, on a notre équipe préférée, un petit garçon qui crie, mais qui sait coder des affaires électroniques et qui croit au Père Noël. On a le grand-père diabétique, la mère absente, mes femmes d'affaires et gérantes d'un grand magasin, et on a le chien, entre guillemets. Alors, voici un petit résumé de la chose. Un petit garçon, génie de l'informatique qui tripe sur Rambo et qui croit au Père Noël, doit défendre sa maison contre un psychopathe de Noël déguisé en Père Noël. De Noël! S'ensuivra des courses-poursuites en vélo d'hiver, des attrapes Père Noël et des grands-pères diabétiques. Oui, des grands-pères diabétiques. Ça sonne excellent. C'est excellent, d'ailleurs. Alors, voici ce que j'ai appris. En France, les enfants se garochent des boules de neige jusqu'à ce que les sans-abri jouent avec eux. Si t'as une coupe Longueuil, ta musique thème, c'est une copie de Eye of the Tiger. La neige qui tombe la veille de Noël est en plastique. Il y a de la vraie neige en France, d'ailleurs, dans les premières scènes du film, mais c'est la seule vraie neige qu'on va voir. Après ça, c'est juste du plastique. Écrire au Père Noël sur un chat public, ça insulte tes amis. Ouais, ça, je le ferai pas chez nous. Être PDG d'une chaîne de magasins fait en sorte que tu vis dans un manoir de style modèle réduit. Vivre dans un manoir te donne accès à des avions et des spotlights de couleurs différentes, bien naturellement. Renvoyer le Père Noël la veille de Noël, c'est risquer la vengeance de Noël. De Noël! De Noël! De Noël! Si tu ne crois plus au Père Noël, ça sert à rien de croire à Napoléon ou aux hommes des cavernes aussi. Tant qu'à aussi bien. C'est aussi une bonne idée de ne pas trop s'attacher à ton chien s'il ne croit pas à la magie de Noël. Ça sert pas à grand-chose. Les Pères Noël... C'est cruel, mais il faut apprendre la vie très jeune. Les Pères Noël psychopathes ont leur propre spotlight bleu pour éclairer leur dos. Les passages secrets dans les manoirs en France ont des airs de plateaux de cinéma. Fait que c'est à savoir, c'est pas un vrai manoir si vous avez pas des plateaux de cinéma dans vos passages secrets. Les passages secrets dans les manoirs de France sont aussi grands que le manoir au complet. Ici, on n'a pas un grand-père dans le sirop, mais on a un grand-père diabétique dans une armure. Les policiers justifient le fait qu'ils ne fassent rien parce que c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Pas le temps. Il faut qu'on découpe la dinde, puis il faut qu'on fête Noël, tu sais. Les pères Noël psychopathes torchent en course à pied contre des vélos d'hiver. Donc, si vous voyez qu'ils vous courent après, prenez pas le vélo, courez, vous avez plus de chances de vous sauver. Raccrocher des téléphones de voiture dans les années 80 fait faire des accidents. C'est un moyen sûr de bien raccrocher le téléphone. Un père Noël psychopathe et le diabète, c'est le même combat. Les pères Noël psychopathes sont capables de se régénérer. Faut le savoir. Et les Pères Noël psychopathes veulent juste jouer à la cachette finalement. Morale, à force de vouloir être Rambo, on finit par le devenir PTSD inclus. De Noël. Mais vous écoutez, c'est le fun. Sérieusement, ce film-là est super bon, puis il est vraiment traumatisant. D'ailleurs, c'est un peu énervant parce que, sérieusement, ça finit sur une scène qui m'a laissé un peu avec une face de bœuf. C'est un peu traumatisant pour un enfant. Je ne le conseille pas à des enfants. Et pourtant, ça a été filmé pour des enfants. Mais on assiste à un combat entre la mort de Noël et le Père Noël. Puis ça, c'est épique. La mort de Noël et le Père Noël. Donc, c'est épique. Je vous le suggère. Bonne soirée tout le monde. Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique. Allô? Allô? Hey, allô? Donnel! Hey, salut, nous autres, on est les gobelins. Moi, je suis le chef. Ça, c'est Gobelin Coquette. Ça, c'est Gobelin Provin. Puis ça, c'est la bannière. Fait que nous autres, on vient vous chanter des cantiques de Noël. De Noël. Fait que on vous a préparé une belle petite liste. Puis pour vous pouvoir vous expliquer, parce que des fois, il y a des mots vous n'allez pas comprendre parce que vous êtes juste des humains. Fait que ce que vous n'allez pas comprendre, des fois, on va parler des croquettes. crotte de troll. Fait que ça, c'est une crotte de troll. OK? Tu veux la voir? Tu peux pas y toucher? OK, c'est bon. Il y en a des fois qui sont anasiques, fait qu'il faut faire des périmètres de sécurité. Hey, c'est moi qui suis en baignant, c'est moi le chef! C'est le chef! Le chef, toi, t'as pas un chef de secondes. Qui a voté pour le chef ici? Ouais! Hey, merci! C'est grâce à vous autres que je peux chefer les affaires encore! Ouais! Fait que, si vous êtes prêtes, on va vous chanter ça! Bonsoir tout le monde! Joyeux Noël! Ça tombe bien, moi, c'est absolument pas drôle, ma chronique, fait que je savais pas comment raconter ça, là. Non, mais... tu sais, ça fait quoi, là? Ça fait 7 ans, là, je suis avec douteux. Je savais que ce soir, on allait rire de Noël, on allait niaiser Noël, on allait inviter des gobelins de Noël. Hey, vous avez pas parlé de Noël, hein, pas en tout dans vos chansons. Là. Fait que j'ai décidé de vous ramener un peu... Bon, c'est un peu des chroniques que je fais des fois, des nouvelles. Fait que je dis... J'ai envie d'aller dans Google puis taper « miracle de Noël » puis essayer de trouver des miracles de Noël. Et bizarrement, j'en ai trouvé. On va commencer par le petit miraculé de Philadelphie. Le petit Weston Keaton, 7 ans, a fréquenté pendant 3 ans l'hôpital pour enfants de Philadelphie, affaibli par une maladie cardiaque et une hypertension pulmonaire. Sa mère Julia a quitté la maison avec ses 6 autres enfants pour s'occuper de lui pendant que son père, Adam, continuait de travailler dans le Tennessee pour subvenir aux besoins de la famille. On a un film ici. Au plus fort de la maladie de son fils, Julia a même dû envoyer ses autres enfants chez un proche. Seul espoir de survie pour Weston, recevoir un nouveau cœur et 2 poumons. Eh bien, le 12 décembre 2013, la famille a enfin trouvé un donneur. Ça ne dit pas s'ils l'ont tué. Et l'opération a réussi. Pile à temps pour réunir la famille et fêter Noël. Wow, OK. On va continuer une recherche. Là, je suis allé dans la page 2, 3 Google. Tu sais, où est-ce que personne va? Là, j'ai trouvé une belle petite nouvelle ici. C'est dans la ville de Forest Hill, en Californie, le 15 décembre 2013. Steve Anthony, un sans-abri américain, se promène avec son chien River lorsqu'une voiture renverse l'animal âgé de 9 mois. C'est un petit poupi. Et prend la fuite. Jennifer Martin, automobiliste qui assiste à la scène, aide le SDF à transporter son chien dans une clinique vétérinaire et offre 75 $ pour financer l'opération. Un geste généreux, mais insuffisant pour couvrir les 1 000 $ de frais nécessaires à la survie de la bête. Cela aurait pu être la fin de l'histoire, mais le miracle est arrivé, parce que sinon je ne serais pas là. Jennifer Martin parvient finalement à mobiliser son réseau Facebook et avec l'aide de l'association Chester Foundation, réunit quelques 7 000 $. Ce n'est pas seulement la vie de mon chien qui a été sauvée, sinon la mienne, a affirmé le SDF qui souffre d'un cancer des os en phase terminale. Désolé. J'aurais aimé ça que... Vendredi 13 décembre. Une petite fille égare son doudou dans la gare King's Cross de Londres, perdue pour toujours. Une certaine Lauren Bishop French met la main sur l'ours en peluche et décide de retrouver son propriétaire. L'avis de recherche qu'elle poste dans la foulée sur Twitter, un tel succès que Roar, c'est le nom du petit ourson, a pu être rendu à la petite Phoebe. Pendant que je cherchais les miracles de Noël, j'arrivais pas à... Je tombais tout le temps sur un site, tout le temps des sites de nouvelles qui n'arrêtaient pas de parler de ça. Je dis, je vais cliquer dessus. Puis si j'ai bien compris, la vie veut que je vous en parle. Il était une fois une compagnie aérienne canadienne qui offrit à tous ses passagers le cadeau de leur rêve. À Toronto et Hamilton, le transporteur WestJet, via un Père Noël virtuel, a ainsi demandé à ses voyageurs, quelques minutes avant le décollage, de lui livrer leur liste de Noël. Surprise à l'arrivée, les passagers ont découvert, à la place de leur bagage, leur présent tant désiré. Un compte de Noël et surtout un joli coup de communication pour la compagnie WestJet.com. Allez voir ça, ils sont super cool, ils donnent des cadeaux. Sérieux, si vous tapez « miracle de Noël » dans Google, vous allez voir, il y a à peu près 43 sites qui parlent de ça. Là. Dans le fond, ils ont juste redistribué les valises. OK. Nous espérons que vous n'êtes pas trop fâchés contre nous. Ce sont les quelques mots qui accompagnèrent la crèche déposée devant une habitation de la ville canadienne de Moose Jaw, dans le Saskatchewan. Mais pourquoi les habitants de cette maison seraient-ils fâchés de recevoir un tel cadeau? Tout simplement parce que cette crèche leur avait été volée 3 ans auparavant. Fait que la police a tweeté cette histoire-là avec un hashtag forgiven, qui est trend de ce temps-ci. Toujours en cherchant les miracles de Noël, je suis tombé sur quelque chose que je pense que ça vaut la peine d'en parler ici. Les miracles de Noël existent. La preuve, Susan Boyle est enfin en couple. À 53 ans, la chanteuse écossaise d'Amazing Grace goûte pour la toute première fois à l'amour. Les voisins sont prévenus, Tata Zouzou compte bien rattraper le temps perdu. Suzanne Boyle va devoir changer sa liste de cadeaux pour le Père Noël cette année et pour la première fois depuis 53 ans, et c'est elle qui nous le dit, la finaliste mythique de Britain's Got Talent peut en effet rayer un mec de sa wishlist. Ne vous enflammez pas pour autant, Suzanne n'est pas du genre à griller les étapes. Pourquoi? Interrogée par le Sun, la star qui révélait il n'y a pas si longtemps que ça est encore vierge, a confié en être au tout début avec son premier flirt, mais plein d'espoir. Traduction, en d'autres mots, ils n'ont pas fourré. Ils ont juste fait un dîner aux chandelles, puis un petit bisou ça joue. Mais on prend notre temps à 53 ans, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Fait que ça, c'était mes miracles de Noël. J'aimerais juste parler de quelque chose qui s'est passé, il y a belle lurette. On va remonter en décembre 1914, le 24-25 décembre. Il y a un terme, si vous le cherchez, ça s'appelle la trêve de Noël. Je considère ça comme un miracle de Noël. La Première Guerre mondiale, on est dans les tranchées. Et pour la première fois, les soldats ne savaient pas trop quoi faire parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, déjà en partant. Ils savaient qu'ils se battaient contre un ennemi, mais ils ne savaient pas exactement c'était pourquoi, pour quelle raison. On leur a dit d'aller se battre puis gagner un petit peu d'argent. Donc, au petit matin du 25 décembre, les Britanniques, les Français ont entendu les Allemands de l'au bord commencer à chanter des chants de Noël, le Stille Nacht, qui est Sainte Nuit, autour de la ville belge d'Ypres. Et ils ont découvert que des arbres de Noël avaient été installés sur le bord de la tranchée. Juste se rappeler que c'est les Allemands qui avaient commencé comme ça. Jusqu'au milieu du No Man's Land. Et les Allemands ont appelé les Britanniques en disant « Venez, venez, venez, c'est le temps, on fait Noël. » Les deux camps se sont rencontrés au milieu d'un paysage dévasté par les obus, échangeant des cadeaux. Discutèrent et ont joué au football jusqu'au petit matin. Il y a même eu un chanteur d'opéra, un ténor qui s'appelait Walter Kirchhoff, qui à ce moment-là, qui est un officier, a chanté pour les militaires des chants de Noël. Les soldats français ont applaudi et tout le monde s'est mis à chanter ensemble. Ce genre de trêve-là, cette fraternisation, je sais rien qu'à le dire, la Première Guerre mondiale a duré 4 ans. Ça ne s'est plus jamais reproduit par la suite parce qu'évidemment, les officiers, les hauts gradés étaient comme « Ben non, on fraternise pas avec l'ennemi, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Si vous y allez, on vous tire, vous êtes des traîtres. » Et ça fut la première fois et la dernière fois officiellement à la Première Guerre mondiale que ça s'est produit. Passez un joyeux Noël. Désolé de ne pas avoir été aussi drôle que les gobelins, mais je pense que ce qui s'en vient, ça va être super drôle. Allô? Allô, Brouhaha, ça va bien? Alors, je veux t'entendre comme du monde. Surtout toi, vous deux, que j'entends beaucoup, là. Ça va bien? Oui! OK! Hey, moi, je m'appelle Coralie Laperrière. Je suis en ce moment à l'École nationale de l'humour. Puis la prochaine fois que vous allez me voir, ça va coûter de l'argent. Fait que là, comme j'en profiterai à ce moment-là. Parce que je vous ai concocté quelque chose de bien beau. Puis j'ai Martin ici qui me tient mon ordinateur. On peut l'applaudir, d'ailleurs! Oui! Martin qui tient l'ordinateur! Hey, pour vrai, Tommy, merci de m'avoir invité pour ce spécial de Noël. Mais, tu sais, mais même si ça devrait pas s'appeler un spécial de Noël, parce qu'il n'y a absolument rien de spécial dans un spécial de Noël, hein, tu sais, déjà que vous avez déjà fait des spéciaux de Noël, il n'y a rien de spécial là-dedans. Hein, mais non, il n'y a rien de spécial dans Noël non plus, hein, c'est pas spécial un événement qu'on étire pendant 2 mois, hein, non. Non, ouais. Un album de U2 en 92, c'est un événement spécial. Un album de U2 dans ton iPod, c'est un irritant. Pour moi, Noël, c'est un peu comme le hockey. Hein? Ça dure bien trop longtemps, puis je connais des Mongols qui en prendraient plus. Là. Ouais, je suis pas une fan de hockey non plus. Là. Ça regroupe pas mal tout ce que j'haïs dans la vie, de la glace, des commotions cérébrales, puis des millionnaires. Alors, pas commode, là, ils font le même job que mon petit chat qui court après un point rouge. Là. Ah, mais comment vous l'avez payé, vous, votre ami Caramel, là, franchement? En plus, Tommy, tu m'as demandé de m'habiller Noël, puis comme j'ai fouillé dans mes affaires, puis la seule affaire que j'avais qui faisait congé férié, c'était ça. Fait que c'est un Pâques de Noël, mais je vous ai donné les 15 raisons pourquoi Pâques torche Noël d'aplomb. Premièrement, Pâques, c'est la fête de la résurrection. Hein, le 25 décembre, Jésus est juste né, comme pas mal tout le monde ici. Là. Non, mais comment, le been there, done that, got the t-shirt and it's too small. Là. Alors, mais tu sais, vous en connaissez-tu bien du monde qui sont nés versus résurrectés, hein? Poser la question, c'est de ne pas y répondre. À part que, là, à part qu'on est content quand il n'y a pas de neige, hein? À Noël, si le monde capote, ben là, il va savoir de la neige à Noël. C'est moins beau quand il n'y a pas de neige à Noël. Ça fait pas Noël s'il n'y a pas de neige à Noël. Là, il décroche! Je sais pas à qui je dis ça, mais décroche. Tu sais, c'est rendu que ça fait la première page du Journal de Montréal, puis nous, on est tous fait la première page du Journal de Montréal, là. Mais tu sais, un Noël blanc, c'est rendu un enjeu aussi pertinent que le niqab aux élections fédérales, tu sais. Il y a un fond qu'on devrait jaser, mais on parle juste de l'apparence. Parlant d'élections, on peut pas en parler, hein? À Noël, autour de la table, il y a des sujets que tu n'as pas le droit d'aborder. Comme, tu sais, c'est la fête du petit Jésus, tu parles pas de religion. C'est la fête du capitalisme, tu parles pas de politique. Hein, on est enfin réunis tous ensemble pour discuter de rien! Alors, ben, moi, c'est pour ça, moi, c'est pour ça que quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais être humoriste, je l'ai faite à Pâques, puis ça s'est passé comme un œuf d'un cul de lapin. Comme... Une autre raison pourquoi Pâques torche totalement Noël, t'es pas obligé de décorer à Pâques, hein? Parce que si tu décores pas à Noël, t'es une mauvaise personne, hein? Pourtant, je suis sûre qu'en prison, il y a un sapin de Noël pis tout, là. Est-ce que ça fait deux des bonnes personnes? Poser la question, c'est de ne pas y répondre. Pas toutes, toutes, là. Je donnerai ça à ma poche. Cinquièmement, pour les cadeaux à Pâques, tu sais à quoi t'attendre. Ça va être du chocolat ou fuck all. Tu sais, à Noël, tu vas recevoir un kit Tim Hortons, un pyjama trop petit, des bulles de bain, toutes des affaires qui me font faire des vaginites. Sixièmement, à Pâques, t'es pas obligé d'aller acheter des cadeaux. Puis ça, pas acheter des cadeaux, j'ai lu que c'était bon pour ta relation avec ton portefeuille. Septième, à part que le taux de suicide est moins élevé qu'à Noël. C'est vrai, ça. En même temps, je comprends la statistique parce que moi aussi, j'ai un peu l'impression de mourir à Noël. Surtout quand je mange le ragoût pas clair de ma tante Gaétane, qui est un véritable cordon brun. Aussi, huitièmement, à Pâques, personne te gosse si t'es célibataire. Hein? Moi, à Noël, tout le monde me fait chier avec ça. Hey, l'année passée, j'ai essayé de faire comme dans les films. Moi, je suis arrivée, j'ai dit à ma famille que je m'étais fait un nouveau chum. Là, j'allais aux toilettes, je mettais une fausse moustache, je revenais. Je disais que c'était moi, Jean-Seb. Là, je retournais aux toilettes, je me disais que c'est en fille, puis là, je revenais. Ça marche pas partout, la technique Mrs. Doubtfire. Fuck all! Faites pas ça! Ça marche pas. Neuvième raison pourquoi Pâques torche Noël. À Pâques, t'as pas besoin de parler de tes résolutions, t'es a déjà pas fait. Hey, dixième raison pourquoi Pâques torche Noël. À Pâques, y a pas de plat typique. Puis ça, c'est le fun pour moi parce que je suis végétarienne. Puis être végétarienne à Noël, je me sens comme Denise Bombardier au Burning Man. Tu sais... Alors, moi, à Noël, tout ce que je peux manger, c'est genre la décoration au milieu de la table. Ça finit par creuser l'appétit, grignoter des napkins, là. C'est pas le fun. Onzième raison. À Noël, c'est mal vu de pas aller dans ta famille. Alors qu'à Pâques, le seul rassemblement de Mongols, c'est le bal en blanc, pis t'es pas obligé d'y aller. Malade. Douzième raison. À Pâques, y a pas de roche de Pâques. Tu sais, les gens qui ont déjà travaillé dans le service à la clientèle, vous le savez. Oh, la restauration aussi. Dès que tu travailles dans un magasin ou dans la restauration, c'est le pire moment de l'année, Noël. Tu sais, le temps des fêtes pour un employé du Best Buy est rarement synonyme de repos. Tu sais, hey, quand je parlais du taux de suicide tantôt, ben c'est ça, c'est eux qui font monter la statistique. Il n'y a pas de musique de Pâques! Yeah! Hey! 14e raison! À part qu'il n'y a pas l'hypocrisie de la maudite guignolée des médias. Chris! Hey, la guignolée des médias, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que vous habitez dans une grotte, là. De la grosse merde, mais c'est parce que la guignolée des médias, ça, c'est quand le staff de TVA sort 5 minutes pour faire des photos avec Éco-Vedette, ramasse une canne de poids, rentre en dedans et fait « Oh, c'est tellement le fun d'aider la plèbe! » C'est ça! C'est moi, pas mal sûr que si les itinérants avaient des appareils photos, si les vedettes seraient toutes là après eux, ils leur accorderaient l'attention. 15e raison dernièrement, finalement, la dernière raison, c'est que à Pâques versus Noël, c'est que, comment je vous dirais bien ça, là, c'est, moi, j'aime pas les films de Noël. Ça va? Personne n'a fait d'AVC? Tout le monde va... Non, pour vrai, là, c'est un sujet tabou de dire que t'aimes pas les films de Noël. Là, même Mark Ward est comme, non, je vais pas là-dedans, je dis pas des affaires de même. En tout cas, moi, pendant que vous allez écouter Ciné Cadeau en converti, moi, je vais aller me taper un Jésus de Nazareth. 6h11 de pur génie. Bye-bye! Vous écoutez présentement Radio H2O. Autobots, transform and roll out! Fait que là, on est rendu au feeling. Si un jour qu'est-ce je parle? Pense à toi, pourras-tu venir vers moi? Toujours merci, ce Toto! Jeu qui brûle dans tes yeux, sans le feu. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Mon nom est Éric Carmen, pour ceux qui le savent pas. La toune qui jouait, c'est la toune Obsession du groupe New Dimension, NU Dimension. Et on devait voir Patrick Bourgeois, hein, Simon Portalange, je t'avais promis quelque chose. Patrick Bourgeois, dans sa tendre jeunesse, un de ses premiers bands dans lesquels il a fait partie, dans le vidéoclip de Amour Programmé, on peut voir Patrick Bourgeois qui joue de la guitare. Fait que c'est le groupe New Dimension, pour ceux qui s'intéressent. Bon, ben bonsoir de Noël, hein? Gang de fuckers de Noël! Ceux qui me connaissent, ils savent très bien qu'Éric, c'est un hostie de bon gars. Il est admirable, il est poli, il est respectueux, il est brillant. Et j'en passe, parce que moi, je suis humble en crisse. Moi, je suis sacoche, hein? Et boboy. À preuve, c'est moi qui ai mis Jonas sa map. Hein, vous pouvez me remercier. C'est vrai qu'il ressemblait à Jim Morrison puis à Robert Plant. C'est vrai, il ressemble à Jim Morrison. Fait que c'est Noël de Noël et mon cadeau pour vous, c'est d'être parmi vous et vous faire grâce de ma présence. Parce qu'Éric Carmen, c'est quelque chose. Salut! Non, c'est une joke. Ben non, c'est une joke. Bon, là, faites-vous-en pas les poules, Éric s'en va pas. Non. Là, Éric, c'est tout un cadeau, surtout pour les gardas. Maintenant, on va passer au lexicon à Éric. Hein? J'aimerais maintenant que vous criez « Allons donc ». Et à chaque fois que je vais répéter « Allons donc » pendant ma chronique, vous criez « Allons donc » et vous prenez une gorgée. C'est un drinking game. « Allons donc », c'est quelque chose que j'ai apparemment amené à bien du monde qui ne savait pas « Allons donc, c'est quoi? » Yeah! Puis, il y a bien du monde qui disent « Mais non, c'est pas ça, c'est « Voyons donc! » Mais ce que vous ne savez pas, c'est que « Voyons donc, c'est un québéquisme. » Puis la vraie façon de dire une expression qui dit « Wow! » c'est « Allons donc! » Fait que c'est vous autres les caves, puis moi, je suis brillant. Et à preuve... Maestro, tu peux nous passer l'extrait du dernier Batman, Batman Returns, de Owen Nolan. C'est la femme chat qui rencontre Batman. Oups. Personne ne m'avait dit qu'on ne pouvait pas. J'ai peur de ne pas pouvoir vous autoriser à le garder. Allons donc. Ah, là, ça parlait. Elle dit allons donc. Hein? Là, j'ai la joie de vous donner deux bas de Noël. Il s'agit de deux suggestions de musique émergente. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la musique Oi? Du Oi, c'est comme du vieux punk sans finesse. Dans le Oi, il y a beaucoup de skinhead nazis, néo-nazis, OK? Et présentement, il y a des groupes émergents qui font du hip-hop raciste néo-nazi. C'est de toute beauté. Un groupe qui s'appelle Contre-Invasion avec la toune 7 France. Les gars n'ont pas de flow, pas du tout. Et propose des sujets nationalistes, racistes, etc. L'autre groupe, c'est Fracasse. Eux, ils font dans le folk acoustique de skinhead néo-nazi. C'est de toute beauté. Je vous suggère ça pour Noël, pour vos amis. Allons donc. Maintenant, place aux cadeaux de Noël. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'orgasme. Donc, pour célébrer ça, je vous parle de deux suggestions littéraires de la plus gourmande de mes gourdes. Le premier livre, c'est Natural Harvest, A Collection of Semen-Based Recipes. Ou en français, Récolte naturelle, une collection de recettes à base de sperme. Allons donc. Deuxième livre, c'est Seminology, The Semen Bartender's Handbook. Ou Spermalogie, le manuel du barman de sperme. Non. Tu peux pas. Non, je peux pas. Je vais vous lire des commentaires déjà sur Amazon qui sont quand même popés. Premier commentaire pour Natural Harvest. J'ai dû visiter 4 refuges pour sans-abri pour obtenir assez d'ingrédients pour le repas de Noël. Mais ça a valu la peine. Ma grand-mère a dit que c'est les patates les plus crémeuses qu'elle a jamais eues. Allons donc. Commentaire pour Seminology. Bien que ce livre soit une idée fantastique en tant que connaisseur, je préfère mon sperme servi straight, direct du bec. Merci beaucoup. Allons donc. Et pour terminer, est-ce que vous savez comment une femme peut rendre un homme millionnaire? Non, hein? Ben, si l'homme était milliardaire. Merci beaucoup. Bon de Noël joyeux! Aujourd'hui, j'ai préparé un petit quiz. J'ai appelé ça poivron épicé. Mes avocats m'obligent à dire que ça ressemble pas à piment fort. Pour jouer avec nous, on a Toto Lavigne, Éric Carmen et le Père Noël. Alors, le premier jeu auquel on... J'ai dit du son. M'entendez-vous? Allô? Ah oui. Allô? Hey, toi, t'as pris ma chaise, t'auras pas de micro, hostie. Allô? On va commencer par un premier jeu qui s'appelle « Connais-tu ton capitaliste de Noël? » Parce que je suis un fan, je suis probablement le fan numéro un du capitalisme. Yeah! Alors, ouais. USA! USA! USA! Hey, j'ai même plus besoin de rien dire. Tout se fait. Alors... T'es rendu obsolète, Toto. Alors, je vous donne des slogans publicitaires et vous essayez de deviner ce que c'est. Ouais, ben non, ben, vous y allez chacun votre tour quand je pose la question pour celle-là. C'est bon. OK. Bon, on commence par une facile à des gratteux de petit prix. Le mini. Le mini. Quelqu'un qui a la gale. C'est Renault Dépôt. Roda. Si j'étais Norman Brathwaite, il y aurait le piment tout de suite. Canadian Tire, ouais. Canadian Tire, c'est ça. C'est une expression du bonheur. Métro. Se jouer avec le pénis. Toto. C'est une expression du bonheur. Ouais. La parisienne. Un petit shooter, là, vraiment. Un pas petit. Ouais. En fait, c'est les lumières de Noël Noma. Oh, mais t'es ben chien! Puis, j'ai aucune idée pourquoi c'est ça. Le numéro 3, votre meilleure résolution. Pour remporter. Pour remporter. Votre meilleure résolution. Ça, c'est un slogan, ça? Ouais. Renault de peau! Un autre piment, ouais. Investir dans Zelleuse. Target, bon. Target. OK. Bon, personne ne l'aurait jamais eu de toute façon. C'était la loterie Célébration 92. Ah. Mais t'es bien chien! Parce que moi, j'aime ça parler des affaires que tout le monde s'en calait. Okay. J'ai juste commencé à jouer en 93. À douteux.org, c'est pas parce que tu t'en souviens pas que ça s'est pas passé. C'est très important. Bon point. Et le dernier pour ce jeu-là, le sens des beaux cadeaux. Winners! Non, c'est pas ça. Simmons. Non, t'es pas... Sears. Vous étiez pas loin. C'était Wilco. Ah, Chris. Wilco, le grand. Hey, okay. OK. Levez la main ceux qui étaient pas nés quand Wilco est mort. Ouais. Ouais, toi aussi, lève ta main. Ça fait un esti de 86-7, le grand. Ouais, c'est bon. Hey. OK, on va jouer à un deuxième jeu, vite, vite. Là, cette fois-là, c'est plus facile parce que j'ai mis des choix de réponse. OK. Ah, ouais, ben. Ouais, mais il y a juste vous autres qui a des cartons. Il y a juste vous autres, puis vous en avez des hey, différentes. Hey, c'est pas un match d'impro. OK, mais, c'est bon. Mesdames et messieurs, avec mon œil de calice que je savais que ça arriverait. Bon, c'est ex-écho, c'est trois piments. Donc, je vous pose chacun une question avec des choix de réponse et vous essayez de deviner le plus possible. On va commencer avec Eric. Dans les annonces d'Ultramar dans les années 90... Oh boy! Chris, hein? Qu'est-ce que Cocotte, le char qui est comme un animal domestique, demande à Ghislain Tremblay pour Noël? A. Oh. Du liquide lave-glace. B. Des plats de lasagne. Ou C. Une photo autographiée de Donald Trump? Oh! La réponse, c'était B. C'était des plats de lasagne. Des plats de lasagne? Ouais, il ouais. Aura pis, pas de facile. D'ailleurs, il y a la joke elle peut pas digérer de la lasagne, elle mange pas ça. En tout cas. C'est un char! Hein? Elle mange pas ça, c'est un char! C'est ouais, c'est hey, ça. Ça, c'est drôle, ça. Toto! Le monde de fantaisie, qu'est-ce que t'en fais? Le transhumanisme. Véhiculaire. Ta question, ça va être... Patrice Lécuyer, qu'est-ce que Patrice Lécuyer émite sur une table de cuisine dans une pub de 50? Un castor! Hey, c'est ma question! Ah, oh, excuse-moi, Toto. Oh. Je le sais, c'est quoi, mais ouais, vas-y. A, une dinde. B, un cheval. Non. C, un squelette dans le placard. Non, c'est une dinde. C'est une dinde. C'est une dinde. Yeah. Ouais. Alors, la question pour Alex maintenant. Laquelle de ces personnes n'a jamais joué dans une pub avec gratteux Canadian Tire? Oh, c'est bon ça. Oh, c'est facile. Michel Forgette. Non, ouais. B, Karl Marotte. Non, ouais. C, Tommy Godette. Ah! C'est une bonne réponse! Tommy n'a jamais joué dans une pub de Canadian Tire! À date! À date, à date! À date! À date! Spellers, oui, Canadian Tire, jamais! On y va avec un petit dernier jeu rapide. OK. Je vous donne chacun une personnalité. Oui. Puis vous allez me dire, si jamais cette personne-là jouait dans une pub de Saint-Hubert, à qui elle donnerait son cachet? OK. Je commence avec Eric, Gaétan Barrette. Ouh, l'association des anorexiques. Toto, une facile pour toi. Chuck Norris. Chuck Norris a décidé de garder son cachet puis t'envoyer chier, là. Alex, Vladimir Poutine. Il a mangé son cachet. Effectivement. Non, il l'a partagé à tout le monde! C'est parce qu'il n'y avait pas de gravy. Eric, Fabienne Larouche. Chris, hein? L'association des écrivains qu'on s'en calisse. Toto, Miley Cyrus. Miley Cyrus a donné tout son cachet à son père, comme elle est obligée de faire dans tous ses contrats. C'est de même. C'est triste, mais c'est pas une joke. Et finalement, Alex, Donald Trump. À Megan Fox. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à Poivron épicé. Il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson! Ouais! Là-dessus, Nick, je vais avoir besoin que tu diminues la lumière à l'avant parce que je veux parler avec mon cœur. On va avoir un invité qui va avoir besoin de ce micro-là. Je veux parler avec mon cœur parce que c'est quelqu'un que tout le monde ici connaît. C'est une de nos plus vieilles vedettes à Douteux. Réalisez à quel point vous êtes bien entouré présentement. À quel point c'est un choix conscient qui vous amène là. À quel point c'est important d'apprécier les personnes qui nous entourent. Et pour nous parler un petit peu de la magie de Noël, j'inviterai Charas de Meux, qui est une des meilleures manières de nous rappeler... Votre style de Noël de marde! Je sérieusement, tabarnak, je suis pas venu ici pour ça, moi, à soir! Si je suis ici ce soir, c'est pour régler mes comptes avec quelqu'un! La dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait mon numéro puis j'ai eu une critique négative dessus par nul autre que cette hostie de crise de grosse tapette sale-là! Toi et Tommy Godette! Tu m'as dit que mon numéro était trop long! Fallait que tu chicotes, que je chute! T'as pas à dire ça de moi! Toi, ce qu'il faut que tu comprennes, enregistre ça dans ta petite tête! Quand je suis ici, c'est moi la personne la plus importante de ton crise de show! Si je veux parler de 10 heures, s'il est 3 heures du matin pis que ben faut fermer le bar! Ben on le ferme pas le bar pis tout le monde reste ici pis écoute ce que j'ai à dire! Mon numéro n'est jamais trop court! Mon numéro n'est jamais trop long! Mon numéro est toujours excellent! Chacune de mes chansons sont excellentes! Ça fait que ma grosse calice de tapette sale, tu t'occuperas aussi de veiller à ce que quand je viens te voir pour faire ton show ici, que j'ai une place de stationnement réservée juste en face, accessible 24 heures sur 24, pis que j'envoie pas un calice à stationner dedans, sacrement! Jamais! Est-ce que quelqu'un prend des notes? Tu fermes ta... Qu'est-ce que je vois là? Il pleure! Oh! Ben ça, j'avais prévu le coup, mon calice! Reste à genoux, t'étais bien correct de même! En fait, je t'ai apporté un petit quelque chose pour te consoler! Essuie tes hosties de grosses larmes de grosses tapettes sales avec ça! Hey, Charas! Charas, avant de t'en aller, est-ce que tu peux nous envoyer le chien de Noël? Ta première à manger de la marde, pis toutes les autres allaient faire de la même calice d'affaires que elle! Ah! Allez chier, tout le monde! La grosse marde de Noël! C'est qui la chienne à coke? Fuck everyone! Fuck c'est you qui all. La chienne à coke? C'est toi! Vous êtes toutes mes petites salopes de calice! Merci, Charas. Je pleurais même pas pour vrai! Vous écoutez présentement Radio H. Là, c'est le bout, je vous demande comment ça va, vous me répondez oui, blablabla, on commence la toune. 1, 2, 3. La lune est claire de sa lumière. Les pierres tombales du cimetière. Chaque tombeau dort un cadeau recouvert de cristaux divers. Sous le sapin, dans le faucheur, il a trop bu, il a vomi. Bouteille de vin, gisant vidé, il s'est pendu dans mon grenier. Il s'est pendu. Sur un lit de neige et de glace, cimetière. Sous la poudre et les corps gelés, les rêves ne sont plus que fumée. Et poussière d'ange Noël au cimetière. Noël au cimetière. Noël au cimetière. Noël au cimetière. Allez, c'est facile. Merci Chinook, merci aux danseurs, merci à vos voix angéliques qui se mêlent à la mienne alcoolique. Donc, prochaine petite chanson. 2, 3, 4. Hey, hey! On a rattrapé ça, personne s'en est rendu compte. Chanson et des flocons me tombent sur le front. Il fait si froid, c'est sans importance. Les rues sont blanches, blanches, il neige. J'ai des étoiles entre les cheveux. Je n'ai plus mal, et même si je suis bleu, enseveli de givre vaporeux, je fais des anges, anges, anges, le roman. C'est un si beau manteau, oh, oh, oh, oh, oh, il t'éteindra au chaud, oh, oh, oh, oh, oh, merci pour les cadeaux, oh, oh, oh, oh, oh, on s'aime tellement, tellement, tellement, man, man, man, si j'ai le capable, ah, ah, ah, ah, ah, tout ira mieux bientôt, oh, oh, oh, oh, oh, il n'est jamais trop tard. Colère, c'est futile, fermer les yeux, enfin, et ne plus les rouvrir avant demain, demain, demain, tout ira bien. Je veux être un pendule qui sonne le réveillon, les pieds qui se balancent au rythme de l'accordéon. C'est le temps idéal pour se serrer les coudes, pour se serrer les coudes, secoue-toi donc un peu. Adieu, adieu et à bientôt. C'est tout, merci beaucoup. Allez nous chercher sur Internet. On travaille sur un album en ce moment. On vous laisse profiter des merveilleux produits des douteux. Mesdames et messieurs, Damien Bouchard! Salut! OK. Alors, commençons avec une petite chanson. Prends-la pas la dinde par derrière, laisse-la se cuire plus longtemps. Prends-la pas la dinde par derrière, laisse-la se cuire d'un canneberge. Coupe donc du blanc, je veux du brun. Coupe-le plus longtemps, j'en veux plus. Prends-la pas la dinde par derrière, prends donc des atécas. Oui, merci. Donc, ce soir, il y a beaucoup de gens qui ont touché à ce micro avec leur babine. Et ça sent. Et quoi de mieux pour finir une soirée ou presque de parler de buffet de Noël, car il en reste tout le temps. Donc, le fantôme de Noël, là, qui revient se servir dans le buffet, on est-tu tanné particulièrement de ça? Le fantôme de Noël aime particulièrement les saucisses dans le bacon au coulis de VH. Il aime aussi... En interplat, les petits sandwichs pas de croûte au Paris pâté oignon de ma tante Ginette. Et en dessert, il préfère décorer au Rice Krispies à mélasse décorée avec des petits bonbons puis des peanuts. Là, avertissement, si vous utilisez une napkin et vous avez l'impression de pogner le rhume, c'est peut-être pas votre napkin. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a utilisé avant. Catégorie 2. On a peut-être un Français qui a busté son billet de retour et qui a pas de famille, fait qu'il est encore là. Donc, il est capable de se splitter... C'est Gaël! Il est capable de se splitter en 3 clones différents afin de passer 3 Noëls différents et de les faire chier tous plus autant. Donc, quand il arrive, regardez-le dans les yeux et servez-lui un verre de lait. Et là, il va vous répondre... Oui, mais là, on fronce le lait, il est pas comme ça. Le lait, il est pas comme ça. On fronce le lait, il est pas comme ça. C'est prévisible. À ce moment-là, vous allez répliquer avec les amuse-bouches. Crouton de porc croque-monsieur sur lit de bacon farci au coulis de fraises et ateca béchamel. Et le Français de répondre, mais c'est pas une baguette, ça. C'est pas une baguette, ça. Donc, je passe en dernier, je suis... moi-même un peu épuisé. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un spectre, ce n'est pas l'esprit de Noël qui fait parler les casse-noisettes. Non, il s'agit d'un homme qui a l'air d'avoir 50 ans, mais qui en fait a 30 ans, parce que depuis son programme en sciences humaines, pas de mathématiques, au cégep, il a fumé des battes. Donc, lui, son activité... comme un spectre, tel un spectre, il se promène avec ses longs doigts noueux dans les appartements de Montréal et il fouille dans les poches ventrales des petits nounours accrochés sur le mur pour prendre des bonbons aux fraises. Ces petits bonbons aux fraises-là. Puis il se ramasse avec plein de résine sur ses doigts. Puis il roule ça ensemble, esti. Puis là, esti, il se roule un esti de gros bat, OK? Merci. Donc, avertissement, peu importe le buffet, il en reste toujours. Attention, les chips aux saveurs subtiles, c'est le temps des fêtes. Essayez des chips aux saveurs subtiles. Donc, de dur, ces chips peuvent passer à molle et redevenir dures. Si elles sont passées de dur à molle et sont revenues à dur ensuite, elles peuvent être mauvaises pour votre dégustation et vous faire des crottes qui cassent. En terminant, c'est très soft ce soir. Je vais terminer avec un petit rigodon. Donc, je vais avoir besoin de votre participation. Donc, attention. J'ai mangé la croûte. J'ai mangé la croûte. J'ai mangé la croûte. J'ai mangé la croûte. J'ai mâché la saucisse, tombé dans le gorgoton. Ma femme qui crie après moi, elle me dit, mon cher Gédéon, Trempe tes Doritos dans sauce brune, mais viens pas te plaindre si tu plains du ventre. Trempe tes Doritos dans la sauce brune, mais viens pas te plaindre si tu prends du ventre. J'ai fait des bouts, j'ai mangé des bouts. J'ai mangé des bouts, des saucisses pitoutes. J'ai avalé la croûte et bu du caribou. Ma femme qui crie après moi, elle me dit, mon cher Gédéon, mange la peau de la dinde roulée, mais plante une tomate avec un cure-dent. Mange la peau d'Aladin roulée, mais plante une tomate avec un cure-dent. J'ai mangé la croûte, j'ai mangé la croûte. J'ai mangé la croûte, j'ai mangé la croûte. Joyeux Noël! On est rendu au moment de la soirée ou de Noël, la soirée de Noël. À partir de maintenant, on a une espèce de gros caillou qui va être très difficile à passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre trop de gomme dans votre bouche? C'est quoi qui arrive quand tu mets trop de gomme dans ta bouche? Non, non. Premièrement, t'as la cave en crisse. Deuxièmement, tu baves. Troisièmement, tu salives. Quatrièmement, plein de synonymes. Mais il y a un moment donné, tu regrettes. Et t'es obligé d'aller salir tes doigts et sortir un chunk, il faut que tu crées, tu sais, il faut que tu planifies, genre. Ce qui s'en vient dans quand je vais arrêter de parler au micro, ça va être le spécial de Noël de Mahoney! Police Academy, on a dit. Et dans ce temps-là, ça prenait... oui, c'est vrai, ça va être Police Academy. Ça prend 20 minutes faire une demi-heure. C'est ça, la TV. Je reviens vous parler juste après. En attendant, gros merci à tous les chroniqueurs. Merci à Toto. On est une très belle famille à douteux.org. Tout le monde est bienvenu là-dessus. Joyeux Noël!